Livre 1. Tout jeune encore, Comines entre au service de Charles de Bourgogne en 1464. Puis, c'est la guerre du bien public, révolte des grands feudataires contre Louis XI en 1465. Comines interrompt son récit au chapitre 10 pour nous présenter ses réflexions sur le caractère de Louis XI.